que tu fais? Tu fais le rythme, la cadence, la chanson alors. Musique moderne, populaire, c'est en guerre. Bonne fin de week-end sur Espace à 18h le dimanche, c'est Funky Mix. Bienvenue, 120 minutes de pur son funk sur la plus normande des radios. Funky Mix fait son show. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. La plus funky des radios, comme d'hab, l'émission s'appelle Funky Mix et vous l'avez compris, là pendant plusieurs moments, on va se faire plaisir. Quand je dis plusieurs moments, c'est aussi peut-être juste l'espace de quelques minutes. Vous êtes en voiture, vous changez, vous partez, vous allez voir des amis. Et sachez que vous pouvez nous écouter hein, sur le net, espace.fm, et hop, vous lancez le player et c'est reparti pour un tour. Et dans les groupes totalement funky, Tavares, Das Band, là c'est Glenn John, 182, I'm Somebody sur Espace. In the mirror, it said, to myself. To live in this world, you've got to believe in yourself. Live on. bienvenue sur Espace. Ici c'est Funky Mix, l'émission avec Rolls Royce, Oliver Cheatham, Get Down Saturday Night. C'est un gros classique juste après Tavares. espace avec Rolls Royce, Best Love, ce sont dates de l'année 80. Je mixe pour vous en non-stop une petite quinzaine de minutes, on va être tranquille. Gene Kern, Circle Sullivan, c'est un inédit funky mix. Ron Banks également, et puis Gary Bird là pour démarrer les 15 minutes mixées en non-stop. Funky Mix fait son show. Soul. Soul. Disco. Disco. Funk. Funk. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. I love New York. Le show Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. 15 minutes mixées. 15 minutes mixées. De musique funky. Welcome to Cosmic University, where life is the journey and love is the trip, and the study of them will make you hip. I'm professor of the rap, and when I speak, I guarantee that my lines will not be weak. They say a mind is a terrible thing to waste. That's why I'm here and on the case, wrapping up every mind with a special degree in sociopsychology, PE. The Gary Bird Experience is my course. When you take my class, you will feel the force, cause I know the roots that the rap is from. When I speak to you, I am not dumb. I'm a rap and begin to dance, and I promise you this, you will advance. You may have seen the Raiders from the Lost Ark, but you still left the theater in the dark. So clap your hands to the beat as the wonder sound, and the GBE shine on the ground. And out kaboo lived the kings and queens who looked like you. It was a land of sun with a golden shine, a place that once was yours and mine. Home of a many great dynasties who created science and astronomy. When the Romans came to study math, and the Greeks found out about the path. In case you wonder what else they did, the Acapulans created the pyramids. And before Napoleon could even blink, in Acapulco there stood a giant sphinx. Some said they came from outer space, but they are a part of the human race. If you know the place where they can be found, you may be the one who can wear the crown. But I used to hurry home from school. I used to always feel so blue, because there was no mention in the books we read about my heritage. Some deported the information that I got was education. Arms or bulls at depot stations, I would listen with much patience. For two relatives who told the tales that they were told to pass ahead. From someone old, I heard a story never told of all the kingdoms of my people, in them how we fought for freedom, all about the many things we have, but to the world contributing. You are the crown. We wear the crown. Feeling in your heart means we'll never part. morning. Must it be so cold? Like something bought and sold. Was it just a game? When you recall my name, if you saw me, just friends, intermittently now and then. Oh, was that all it was? Night out all the time, an exercise of will, a one you needed feel. Did you use me? Just friends, intermittently now and then. Oh, was that all it was? When you close the door, passion left behind, out of sight and out of mind, gone forever. Was that all it was? Bienvenue sur Espace avec Jean Karn. Là, j'ai mixé en non-stop et je remets ça très très vite. DJ Cassidy, je l'ai invité, c'est juste après Red Boone. Ce son à la limite de la soul et de la pop a une histoire, ça date de 73, utilisé en générique pour les Gardiens de la Galaxie. Et aujourd'hui, on l'entend dans une certaine pub de téléphonie, je crois que c'est Bouygues, hein, quelque chose comme ça. Un des titres les plus chasamés, recherchés autrement dit, Red Boone, 1973. Et c'est maintenant dans Funky Mix sur Espace, Come and Get Your Love. Come on.

when I'm going through, you seem to know just what to say, to turn it all around and put a smile right on my face. Yeah. To me, you are a blessing, and I sure appreciate how you change negative to positive and brighten up my day. And whenever I get weak and lose my will to carry on, yeah, I just look at you, cause you give me the reason to be strong. If it wasn't for you, I just don't know where I would be. So tonight I'm gonna celebrate your love for me, cause it is. It's people like you, oh yeah, that make the world go round. Make it go round and round and round. Whenever I was cold, you knew just how to keep me warm. Yeah. And you were my shelter in the middle of my storm. And whenever the mountains came crumbling down on me, that you were out of nowhere to lift me up and set me free. And whenever I thought that I could not go anymore, yeah, girl, you came into my life and you opened up more doors. And now I don't have to look no further when it comes to love. Cause girl, you are a gift sent down to me from up above. Truly real. Well, love should not be based on color. Girl, take my hand. And tonight we're gonna show the whole wide world just how to dance. Go! I want to, I want to. Woo! Let it blow. I feel good, I feel good. So hot. Now we're gonna step around the world tonight and step into the light. It goes a one, two, three, here we go. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. Avec chaque attaque, Ashford, M. Simpson, je les ai invités. Ils sont deux. Ils vont chanter Street Corner. C'est juste après Chalamar. Je vous emmène dans les années disco sur Espace. Classic Dance. Dance Classic. Funky Mix. A game where there can be two wins. A life. Eh, c'est bon, c'est un duo de l'année 82. Je vous ai glissé ça comme ça parce que c'est vous. Et ce n'est pas fini. La grande chance, c'est qu'on écoute tous ces sons-là dans Funky Mix. Et tous les jours de la semaine sur Espace, également le week-end. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le dimanche 23 décembre. Ce soir sur TF1, ça va cartonner, c'est sûr. D'ailleurs, je serai devant ma télé avec le mini-moi pour regarder L'Âge de glace 5, les lois de l'univers. France 2, quoique, je ne sais pas, à moins que le mini-moi décide de vouloir regarder Les Mignons. Mais moi, j'aime pas Les Mignons, donc je pense que je vais réussir à le convaincre de regarder L'Âge de glace contre un paquet de chips. Oui, je suis prêt à soudoyer mon fils, je n'ai aucun état d'âme. France 3, les enquêtes de Vera toute la soirée avec uniquement des rediffs, donc on passe à la suite. Canal, voilà. Clermont Auvergne-Toulouse, un match de top 14 de l'Ovalie comme j'aime, 23h05, J+1, ça débrief tout le week-end foot et rugby. Il n'y a pas que le foot dans la vie, les gars. Arte Katia, un mélodrame de 1959, hein, c'est pour vous dire si le film est vieux, c'est avec Romy Schneider. C'est l'histoire d'une jeune pensionnaire qui collectionne les bêtises. Elle raconte à tout le monde qu'elle connaît le tsar. Un jour, il vient à sa rencontre et là, hula hoop, barbatruc, il tombe amoureux, c'est le coup de foudre. M6, zone interdite, Noël à Disneyland, les secrets de la féerie, 23h10, enquête exclusive, fête de luxe dans les Alpes suisses. Diffusez ça en ce moment, on va juste voir des gens qui vont payer 2 000 € une bouteille de champagne, alors qu'en ce moment, des Français sont dans la rue pour essayer de gagner un peu plus d'argent pour finir leur fin de mois. Le meilleur de la TNT, je vous fais un petit résumé. TFX, Énergie 12, que des soirées bêtisiers avec des inédits en première partie de soirée et des rediffs en seconde. Donc si vous aimez les bêtisiers, profitez-en, c'est open bar. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande. Groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix Power. Another woman, no suspicion. Now you lie in bed thinking what you had, but you were wrapped up in suspicion. Suspicion. Must he leave today? Where's he gone? He said, oh, infatuation blew your mind apart. It's a girl. You think you lost your security, and it's breaking your poor heart. Imagination. I don't know. Well, you just don't know. Free your mind. You're trying to free your mind. It's too late. You have got suspicion. Suspicion. He has gone away. Now your mind's at play. Suspicion. Suspicion. Must he leave today? Where's he gone to stay? Another woman, no suspicion. Now you lie in bed thinking what you had, but you were wrapped up in suspicion. Suspicion. Must he leave today? Where's he gone? He's Il est 19h, on fait juste un petit breaking news avec l'info internationale et nationale sur Espace, la plus normande des radios, et le retour de Funky Mix dans un instant. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. La sixième journée de manifestation nationale du mouvement Gilets jaunes, bien moins suivie que les semaines précédentes, a connu moins de violence, donc beaucoup moins d'interpellations. 220 dans toute la France, 81 personnes ont été placées en garde à vue. Parmi les personnes interpellées, 168 l'ont été à Paris, selon la préfecture de police. Dans la capitale, quelques affrontements ont eu lieu sur les Champs-Élysées entre manifestants et policiers. 60 personnes ont été placées en garde à vue, dont 4 mineurs. Le parquet de Paris a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête pour violence volontaire avec arme en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique et dégradation de biens publics. La première DPJ, Direction Régionale de la Police Judiciaire de la Préfecture de Police de Paris, a été chargée de cette enquête en flagrance. Des policiers à moto ont notamment été pris à partie par des manifestants sur les Champs-Élysées, obligeant l'un d'entre eux à sortir son arme de service hier. Un drame évité à Coulommiers. Un homme a été interpellé avec 6 bouteilles de gaz et des produits inflammables. Son comportement étrange avait été signalé par une voisine. L'individu a été placé en garde à vue. Et puis Carlos Ghosn derrière les barreaux, au moins jusqu'au 1er janvier. Mais le parquet pourra requérir à cette date que sa garde à vue soit prolongée de 10 jours supplémentaires pour les besoins de l'enquête. Emmanuel Macron tacle Donald Trump sur le retrait des troupes américaines de Syrie. Sur le sujet de nos alliés américains, je regrette très profondément la décision prise en Syrie, a déclaré le président français lors d'une conférence de presse à N'Djamena, capitale du Tchad aujourd'hui. Un allié se doit d'être fiable, a-t-il ajouté. Et puis à l'étranger, terrible drame en Indonésie. Au moins 222 morts et des centaines de blessés après un tsunami volcanique. Le tsunami a surgi après une éruption volcanique et a déferlé sur les côtes méridionales de Sumatra, à l'ouest de l'île de Java. Des centaines de bâtiments ont été emportés par la vague. Selon les autorités, le tsunami a pu être déclenché par une marée montante anormale due à la nouvelle lune, conjuguée à un glissement de terrain sous-marin provoqué par l'éruption de l'anak Krakatoa, petite île du détroit de la Sonde qui sépare Java et Sumatra. Écoutez, Espace, la plus normande des radios. Hey you, listen to Funky Mix. La première émission dance classique. Funky Mix. Listening to Funky Mix. Soul, disco, funk. Funky Mix. La première émission dance classique. Oh. it's not your situation. I just need contemplation over you. I'm not so systematic. It's just that I'm an addict for your love. Cet espace, et je viens de vous glisser charme, Georgie Panchi. Funky, funky, funky. Funky mix. Oula, ça va être bon là, dans les années 90, on écoutera Cool and Resistance, mais aussi Prince, Céron. Ça va mixer là, juste là, maintenant, après Nancy Martin. Bienvenue sur l'espace dans Funky Mix. We'll be right back. Funky Mix Groove. Funky Mix. Funky Mix Groove over there. Feel C'est bon et c'est dans Funky Mix, Marvin Gaye, numéro 1 sur la soul. Et là, je vais mixer en un stop pour vous, Sherry Lynn, The Challenge, Michael Jackson, Secret Weapon. Là, on démarre tranquillement, on va dire. Ça rappelle, ça chante et funky. On écoute ça aujourd'hui en Normandie, en Picardie, dans Funky Mix Espace. Funky Mix, numéro 1 sur le fan. Sur le fan. La première émission Dance Classique. Dance Classique. Funky Mix. Everybody, Everybody just clap your hands. I said dance. Everybody, everybody just clap your hands. I said dance. Everybody, everybody just clap your hands. I said dance. Everybody, everybody just clap your hands. It's good in my neighborhood, and I say it just this way. I say dance, everybody, everybody just clap your hands. I said we're here to do what we wanna do for all you rockin' fans. Let's go to work, let's go berserk, you hear a new rhyme every day. But my rap is good in my neighborhood, and I say it just this way. We love to turn you out on a downstroke. We never choke. We'll make you. you scream and shout. So nasty, we both are rated X. And when it comes to getting freaky, girl, we're the best. Now I'm Dr. Jekyll, the lover man. I got more girls than the beach got tan. I'm ready, set, ready to go. And yes, girl, I'll be your gigolo. H-Y-D-E, yes, it's me. And I'm here for all the ladies to see. I got a big surprise. Wow. Open your eyes, but don't stare too long. You'll be hypnotized. We're so nasty, we love to turn you out. On the downstroke, we never choke. We'll make you scream and shout. I said, we're so nasty, we both are rated X. And when it comes to getting freaky, girl, we're the best. Espace, Sherry Line était là avec Check It Up Tonight 1981. J'ai mixé en non-stop et je remets ça très très vite pour vous. Aucun souci, les inédits arrivent. Leroy Osbourne, Richie Family et Delegation, c'est là maintenant pour vous. Le plus fort des années dance. Funky.

Bon, vous voulez me laisser un message, vous pouvez le faire et ça fait toujours plaisir de vous écouter, d'échanger avec vous. Je suis Manu et je vous laisse la ligne espace totalement gratuite. Vous laissez un message quand vous voulez. 09 50 35 50 50 09 50 35 50 deux fois. La musique funky en non-stop dans Funky Mix avec l'un des sons que j'apprécie le plus d'Imagination, du groupe Imagination, Tell Me Do You Want My Love, 1982, cet extrait du deuxième album d'Imagination que je vous conseille totalement. Vous pouvez les trouver dans les Fnac ou autres, dans les Cultura, enfin voilà, partout. Je vous garantis les sons d'Imagination pour cet album, d'ailleurs les deux albums, aucun souci. Surface, René and Angela, et puis maintenant c'est le moment d'écouter ce chef-d'œuvre sur Espace. Funky Mix. Funky Mix. For the light, a flicker of love in your eyes. Hot summer night, when feelings are hard in the skies. It's gonna come true for me, for you. Tell me, do you want my love? Can you feel my love? Your telephone line is right to my heart.

answer a call in his own special way.